Waalaikum salam, rahmatullah wabarakatuh. Il reste une minute, c'est ça, hein? Cinq heures, je dois commencer normalement. Parce que là, il est 59. Non, on sait jamais que une minute, c'est pas gênant pour les gens, on sait jamais. Non? En général. Vas-y, bah, bismillah. Vas-y. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، on va voir ensemble avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala un livre intitulé Al-Majmu' al-Ra'iq ala al-Wasaya wa Zuhdiyat wa Raqa'iq de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Donc c'est un livre qui comprend et comporte plusieurs sujets important. Et le premier de ces sujets s'intitule Taqwa wa atharuha wa awsaf al-muttaqin wa jaza'uhum. La crainte et ses répercussions, ainsi que ses caractéristiques, les caractéristiques des croyants et leurs récompenses. التقوى بمعناها الشرعي واللغوي، la crainte d'Allah dans son sens religieux ainsi que linguistique. Donc التقوى بالمعنى الشرعي, le sens religieux, son étymologie est هي كلمة جامعة تجمع كل أصول الإسلام وفروعه مثل الإيمان والإسلام والبر ومثل هذه الألفاظ الجامعة التي إذا اقترن بها وإذا اقترن أحدها بلفظ جامع فيدل على معنى وقرينه يدل على معنى آخر. Donc التقوى, la crainte, dans le lexique juridique, signifie que c'est une parole générale qui englobe chaque base de l'islam ainsi que ses soubassements. Donc cela est comparable à la foi ou à l'islam ou à l'obéissance. C'est-à-dire que ces mots-là sont aussi généraux de la même façon que le mot taqwa. Et lorsque ce mot est assemblé ou réuni avec un autre mot dans un contexte, en ce moment-là, il aura son sens bien défini. Et le mot qui a été assemblé avec dans le même contexte aura aussi donc un sens bien défini et un sens autre. Tandis que si ce mot est mentionné seul dans un contexte ou dans une phrase, il comprendra donc le sens général. Il aura ici donc le sens général. وهذا اللفظ العظيم معناه القيام بكل أوامر الله سبحانه وتعالى وتصديق كل أخبار الله سبحانه وتعالى واجتناب كل مناهي الله عز وجل. Donc ce mot qui est important a comme sens mettre en œuvre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de croire et rendre véridique tout ce qui a été annoncé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que le délaissement de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Wa taqwa fil lugha hiya. Et dans la langue arabe, la crainte est an taj'ala baynaka wa bayna ma takhsha'hu wa tuhadhdhiruhu wiqayatan taqika min adhahu wa dararihi. Que tu places donc entre toi-même et entre ce que tu craignes et que tu préviennes, tu te préviennes contre et que tu prennes, c'est-à-dire comme barrière et protection contre ce que c'est contre le mal que tu pourrais être, dont tu serais touché. وَاتَّقُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ تَجْعَلْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا يُسَخِّطُهُ وِقَايَةً. هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وتحذره وقاية تقيك من أذاه وضرره. Donc que tu places entre toi-même et ce que tu craignes et ce dont tu te préviens contre, et que tu places entre toi et cela une protection qui te protège, une barrière qui te protège contre son mal. Contre son mal et ce qui peut te toucher, te nuire. وَاتَّقُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ تَجْعَلَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا يُسَخِّطُهُ وِقَايَةً. Et la crainte d'Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَى, c'est que tu places entre toi-même et entre ceux qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala une protection. ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح. Et cela ne peut se résulter qu'à travers une foi véridique et une œuvre pieuse. والإيمان الصادق والعمل الصالح هو الذي يقيك سخط الله ويقيك غضبه ويقيك عذابه يوم القيامة. إيه؟ Donc cela ne peut se faire, ne se résulter que par la foi véridique et l'œuvre pieuse. Et la foi véridique ainsi que l'œuvre pieuse sont ce qui va te protéger de la colère d'Allah Azza wa Jal, de son courroux et de sa colère. Et c'est cela qui va te protéger contre son châtiment le jour dernier. Revenir à Majmu' al-Fatawa de Cheikh Issa Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, 7163 ainsi que 20132. التقوى في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. La crainte mentionnée dans les versets coraniques ainsi que dans les récits prophétiques. وقد أمر الله تبارك وتعالى بتقواه في آية كثيرة وأثنى على المتقين وأخبر كثيرا عن جزاء المتقين وعن ثمار التقوى عز وجل ومجال كهذا لا يتسع للبسط ولكن نستعرض ما يلهمنا الله إياه من النصوص القرآنية والنبوية في هذا الموضوع. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le craindre à travers énormément de versets. Et il a vanté les mérites des personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes pieuses. Et il a aussi abondamment annoncé la récompense des personnes pieuses, ainsi que les fruits de cette crainte, de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, la situation ne permet pas de mentionner et d'élargir donc dans ce domaine, de mentionner tout ce que l'on pourrait mentionner comme preuve dans ce domaine. Mais nous allons, comme le dit Shir, donc juste donc annoncer et mentionner ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'annoncer parmi les textes coraniques ainsi que les récits prophétiques dans ce domaine. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Ô ceux qui ont cru, craignez Allah comme il se doit. Craignez Allah, donc, comme il se doit. Ma ma'na taqwa Allah haqqa tuqatih. Que signifie de craindre Allah, donc de la vraie crainte, de la crainte qui a donné tous ses droits. Fassaraha al-imam al-azim, al-sahabi al-jalil, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ahadu fuqaha al-sahaba, بأن التقوى الله حق التقوى بأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وابو داود في الزهد وغيرهم. Quelle est l'essence donc de ce verset lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala de le craindre comme il se doit? Le grand imam, le grand compagnon, l'illustre compagnon Abdullah ibn Mas'ud parmi les fuqaha, les hommes de science parmi les compagnons, a dit que la crainte d'Allah comme il se doit, c'est qu'il soit obéi et qu'il ne soit pas désobéi. Donc on va obéir à Allah sans le désobéir. Et qu'il soit mentionné et rappelé, et qu'il ne soit pas oublié. et qu'on le remercie et qu'on ne soit pas ingrat envers lui et qu'on ne rejette pas, renie pas que ne soit pas ingrat envers lui. Ayyuta fala yursa hada haqqullah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit obéi et qu'on ne désobéisse pas à Allah, c'est son droit absolu subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuskar fala yunsa, et qu'il soit mentionné et qu'il ne soit pas oublié et que qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne soit pas ingrat envers lui. Fa yanzur kullu wahid minna hal hada haluhu, et que chacun d'entre nous regarde où il se situe dans ces paroles prononcées. Fa in kanat haluhu ad'af wa duna hada al-mustawa fi ayyi khislatin min hadhihi al-khisal fa alayhi an yahra'a ila taqwa Allah azza wa jalla haqqa tuqah wa yukmil hada an-naqs. Donc si quelqu'un voit qu'il est plus faible et qu'il n'a pas atteint ce niveau dans l'un de ces trois points, l'une de ces trois caractéristiques mentionnées auparavant, qu'il s'empresse et qu'il se réfugie et qu'il aille vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il aille et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et qu'il complète ce manquement. Wa qawlullahi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux ceux qui ont cru craignent Allah, et dites une parole juste, une parole en vérité qui est ferme et juste, qui est sadida. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu mardi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Sourate Al-Hajj, versets 1 et 2. Parmi les versets qui font peur, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô gens, craignez votre Seigneur, certes, le séisme, donc l'heure du séisme, est quelque chose d'énorme. Le jour où tu verras celle qui allait être délaissée, donc son enfant qui est allaité, et que celle qui est enceinte avorte, donc fait tomber son enfant, avorte, donc l'enfant sort. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais plutôt, le châtiment d'Allah est sévère. Amarahum subhanahu wa ta'ala bittaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc aux hommes, aux gens, de le craindre, subhanahu wa ta'ala. Wa hassa ala hada al-amr bi hadi al-umur allati tuhil. Et il a incité à cette chose-là, c'est-à-dire à sa crainte, dans ces moments qui font peur et qui sont difficiles à supporter. Zalikum al-mawqif al-rahib الذي يجب أن يتصوره المسلم. Voici donc cette situation donc qui fait peur, dont il est obligatoire que aux musulmans de s'imaginer cette situation. ويستحضر تلك الوقائع والأحداث في ذلك اليوم الرهيب. Donc il ait en tête et qu'il ait en mémoire Donc, ces réalités et ce qui va se passer, ces événements, le jour donc qui fait vraiment peur, un jour effrayant. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل التقوى ويذكر ما يحفز إليها. الله سبحانه وتعالى a beaucoup et énormément et abondamment mentionné la crainte ainsi que ce qui amène à la crainte, donc ce qui peut nous amener comme acte et qui va nous aider à le craindre, subhanahu wa ta'ala. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô ceux qui croient, donc soyez donc, ô les croyants, soyez fermes dans ce que vous devez faire, dans vos devoirs envers Allah. Et soyez des témoins justes et équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas et ne vous pousse pas donc à être injuste. Soyez juste, car cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car certes Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat al-Maïda, verset 8. Yamru Allah tabaraka wa ta'ala bihada al-amr. Thumma yurdifuhu bil-amri bittaqwa Allah tabaraka wa ta'ala. يأمرهم بالقسط ويؤكد هذا الأمر بالأمر بالتقوى الله تبارك وتعالى. Certes Allah تبارك وتعالى ordonne donc ce qui est mentionné dans ce verset et l'accompagne par l'ordre, c'est-à-dire le fait d'être juste, d'être pieux, strict, ferme et juste et d'être personne de vérité. Et il vient aussi à donc ici, il ajoute dans cela, il accompagne cela par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa crainte subhanahu wa ta'ala. Et il ordonne d'être juste et il appuie et met l'accent subhanahu wa ta'ala par le fait, encore une fois, de par l'ordre de le craindre subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous réellement, nous sommes fermes et stricts dans nos devoirs envers Allah Azza wa Jal et juste dans le bon témoignage actuellement, sommes-nous comme ça? Est-ce que beaucoup d'entre nous, parmi ceux qui donc sont les gens de science et parmi les tulab al-ilm, est-ce que nous sommes ceux qui sont, nous sommes témoins de la vérité dans cela et dans, c'est-à-dire de la façon la plus vraie, dans la façon donc dans la façon authentique? Mibab al-Faïda, sachez que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la crainte, donc deux fois dans le même verset, c'est que on a réellement besoin donc de le craindre dans ce domaine-là. dans Mibab al-Ta'kid, c'est justement parce qu'on est peu à réellement être doté de ces caractéristiques. إذا كان هناك تقصير منا فلنرجع إلى الله تبارك وتعالى ونوطن أنفسنا على القيام بالقسط وعلى أن نكون شهداء لله شهادة صحيحة في العقائد وفي الأشخاص وفي الأفكار وفي الأقوال وفي المناهج لا نردد كلام الله تبارك وتعالى دون خجل ونردد كلمة التقوى سبحانه وتعالى ثم يكون واقعنا ثم يكون واقعنا بخلاف ذلك فإن كثيرا من الناس مع الأسف قد يحفظ هذه النصوص ولكن العمل في واد وهم في واد آخر فإياك أيها المسلم أن يصدق عليك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تقوى الله أمر عظيم والأوامر به كثيرة في القرآن الكريم ولا نستطيع اقتصاءها. Donc si il y a chez nous un manquement dans ce domaine, que l'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on s'efforce à être juste et équitable, à mettre en application donc cette justice, le fait d'être équitable, et qu'on soit témoin pour Allah Azza wa Jal, d'un vrai témoignage, témoin d'Allah Azza wa Jal, d'un vrai témoignage authentique dans le dogme, la croyance, c'est-à-dire dans les personnes, dans le sens où le comportement que l'on doit avoir avec les gens, dans l'afkar, les pensées, ce que l'on propage comme fikr, donc comme pensée, dans les paroles, dans les chemins à suivre, il ne faut pas que l'on prononce la parole d'Allah Azza wa Jal et que l'on prononce aussi la crainte d'Allah Azza wa Jal et qu'en réalité notre situation est contraire et différente de cela. Car il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui connaissent par cœur, qui ont appris et mémorisé ces textes. Mais l'œuvre, la mise en application, la mise en pratique, la pratique est dans un oued et eux-mêmes sont dans un autre oued. Donc chacun est dans un terrain bien différent. Donc attention à toi, ô musulman, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne te précise pas ou ne te pointe pas du doigt lorsque Allah azza wa jal dit dans la traduction rapprochée aux ceux qui ont cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Allah déteste fortement. Donc cela est très détestable auprès d'Allah. Donc, si vous dites des choses que vous ne faites pas. Surat Saf, verset 2 et verset 3. Taqwallah amrun azim. Wal awamir bihi kathiratun fil Qur'an al-Karim. La nastati' ihsa'aha. Donc, bien sûr, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est un sujet très important, est un point important. Et les ordres qui vont dans ce sens sont très nombreux dans le Coran. On ne peut les dénombrer. Wa min as-sunnati qawlun nabiy sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha حيثما كنت وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي والدارمي والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. وقال الترمذي حديث حسن. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne action car elle l'efface. Et comporte-toi avec les gens de bonne façon. Donc sois et un bon comportement avec les gens. Wa khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في حجة الوداع وأمر الناس بتقوى الله عز وجل وفي خطب كثيرة بتقوى الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والطبراني وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي حسن صحيح. Et un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans son prêche, au moment du pèlerinage d'adieu, il ordonna les gens de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans beaucoup de prêches, il ordonna les gens de même, c'est-à-dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a été mentionné dans le hadith Abu Umama, qui est bon, authentique, radiallahu anhu, lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, craignez Allah, priez, donc vos cinq prières, je et jeûnez votre mois, donc celui du ramadan, et acquittez-vous de la zakat, donc acquittez-vous de l'aumône de vos biens, et obéissez à vos gouverneurs, vous entrerez au paradis de votre Seigneur. Awamir kathiratun bittaqallah azza wa jal waradat fil Qur'an wa fil Sunna. Il y a énormément d'ordres d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que l'on le craigne dans le Coran et dans la Sunna. Min awsaf al-muttaqin fil kitab wa sunna. Parmi les caractéristiques des personnes qui craignent Allah dans le Coran et dans la Sunna. Inna Allah tabaraka wa ta'ala wasafa al-muttaqin famanhum ma hiya al-aqa'id wal-a'mal allati yaqumuna biha wallati yattasifuna biha fi'lan حتى يصدق عليهم أنهم متقون مستحقون لما وعد الله به المتقين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les personnes pieuses. Qui sont-ils? Quelles sont leurs croyances et leurs actes? Donc pratiquer afin qu'il soit donc décrit de ce donc de cette caractéristique, celle de la crainte. Et que réellement il mérite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis, c'est-à-dire a promis à ceux qui le craignent. فننظر مثل هذه الأوصاف، ومن كان منا فيه تقصير أو خلل في بعضها فليتحول قدر ما يستطيع أن يتحلى بهذه الأوصاف حتى يكون من المتقين مستحقا لوعد الله عز وجل لهؤلاء المتقين. Donc, regardons et vérifions donc ces caractéristiques. Et qui de nous a en lui un manquement ou un défaut, un manquement dans certaines donc de ses pratiques, de certaines de ses caractéristiques, qu'il essaye comme il le peut de se doter de ces caractéristiques afin qu'il fasse partie des personnes qui craignent, donc des personnes craignantes Allah Azza wa Jal, et qu'il fasse partie des personnes qui méritent la promesse d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a donné à ses serviteurs qui le craignent. Qala tabaraka wa ta'ala alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fih huda lil-muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة verset 1 à 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dans Sourate al-Baqarah, verset 1 à 5, Alif Lamim, voici donc un livre, nul doute dessus, guidé pour les personnes pieuses, pour les personnes qui craignent. Le muttaqi, c'est la personne pieuse, c'est la personne qui craint Allah Azza wa Jal. Ceux qui croient en l'invisible et qu'ils accomplissent la prière et donnent de ce qu'on leur a octroyé. Et ceux qui croient en ce qui a été descendu sur toi et en ce qui a été descendu, c'est-à-dire au prophète avant toi. Et ils sont certains de l'au-delà. Donc ils ont la certitude de l'au-delà. Eux, réellement, sont donc dans la guidée de ton Seigneur. Et ce sont eux les véritables gagnants. فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ الْقُرْآنَ هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ الْمُهَيْمِنِ عَلَى كُلِّ رِسَالَاتِ لَا يَهْتَدِي بِهِ إِلَى الْمُتَّقُونَ فَنَنْظُرُ هَلْ اِهْتَدَيْنَا بِهَذَا الْقُرْآنَ حَقَّ الْاِهْتِدَاءِ حَتَّى نَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فِي عَقَائِدِنَا في عبادتنا في تصرفاتنا كلها في تصرفاتنا كلها في مواقفنا في ولائنا وبرائنا في كل شؤون حياتنا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a clairement montré que le Coran, donc ce livre illustre, grand, et qui prévaut sur tout ce qui est venu avant, comme livre et comme risala, ne se guide à travers ce livre que les personnes pieuses et qui craignent Allah, Azza wa Jal. Donc nous allons regarder et vérifier, est-ce que nous sommes guidés? Est-ce que nous nous sommes guidés à travers ce Coran de la vraie façon? Est-ce que nous faisons partie des personnes pieuses dans notre croyance, dans nos adorations, dans nos actes, dans tous nos actes, c'est-à-dire dans toutes nos façons d'agir et nos comportements? et dans nos positions, dans nos alliances, et dans le fait aussi de donc ne lorsque donc dans notre alliance, dans nos alliances, dans nos désaveux, et dans toutes les situations de notre vie. Hal ihtadayna bihadha al-Qur'an haqqan? Est-ce que nous avons été guidés à travers ce Coran, par ce Coran, de la vraie façon, en réalité? فَنَكُمْ مِمَّا يَسْتَحِكْ هَذِي الشَّهَادَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَنَا. Afin que l'on mérite donc ce témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ يَكُنْ عِنْدَنَا شَيْءٍ مِنْ هَذَا بِضَعْفٍ وَضَعْفٍ شَدِيدٍ. Il est possible qu'il y a en nous certains points de cela, mais avec une grande faiblesse. Donc nous sommes en vérité faibles. Faibles par rapport à cela. فَلْنُحَاوِلْ أَنْ نَسْتَكْمِلَ هَذِي الْأَوْصَافِ وَأَنْ نَهْتَدِيَ بِكِتَابِ اللَّهِ. Donc nous allons émettre des efforts afin de compléter pour arriver en vérité à ces attributs, à ses caractéristiques, et on va aussi émettre les efforts afin d'être guidé à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que l'on mérite cette shahada, ce témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa annana ala hudan, afin que l'on soit guidé. وَأَنَّنَا مُخْلِصُونَ فِعْلًا, et que nous soyons aussi sincères, réellement et véritablement sincères. وَأَنَّنَا لَا الْفَلَاحَ وَالْفَوْزَ بِالْمَطْلُوبِ الْأَعْظَمِ, et que l'on arrive à obtenir la réussite et la félicité à la réussite. Donc, qui est demandé, la grande félicité, la grande réussite qui est demandée. Wahya al-Jannah. Et cela est le paradis. Wa mardatullahi tabaraka wa ta'ala. Wa ridahu fi dunya wal akhirah. Et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et son agrément est dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala. Lama i'tarad al-Yahoud. والمنافقون لما حول الله القبلة إلى البيت الحرام بعد أن كانت إلى البيت المقدس وتحدث السفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, lorsque on parlait en critique bien sûr donc les juifs ainsi que les hypocrites, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la Qibla, donc la direction de la prière, soit vers la maison sacrée de Mecca, alors qu'auparavant elle était à Al-Bayt al-Muqaddas, donc la maison sacrée bien sûr, Al-Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire à Jérusalem. Les sceaux où les faibles d'esprit ont dit, donc les faibles d'esprit ont parlé. Et Allah dit, les faibles d'esprit diront, parmi les gens diront, qu'est-ce qui l'a amené à donc changer la direction de leur Qibla alors qu'ils y étaient dessus? Dis, à Allah appartient l'Occident, l'Orient et l'Occident, l'Orient et l'Occident. Et il guide qui il veut vers la voie droite. Sourate Al-Baqarah, verset 142. Et il dit après cela, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة verset 177. Et après cela, Allah dit, donc la bonté pieuse n'est pas le fait que vous donc détournez vos visages vers l'Orient et l'Occident. Mais la bonté pieuse, la piété, et donc celui qui croit en Allah, et au jour dernier, et aux anges, et aux livres, et aux envoyés, et qu'il donne donc de ses biens alors qu'il aime ses biens, il donne son bien alors qu'il aime, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, à ceux qui sont en voyage et qui sont en rupture de stock, et à ceux qui demandent, afin, et aussi afin de libérer les esclaves, et ceux qui accomplissent leurs prières comme il le faut, et qui s'acquittent de la zakat, et qu'ils respectent le dépôt lorsqu'ils ont, respectent le pacte lorsqu'ils ont donc contracté, et ceux qui patientent dans les moments difficiles, au moment d'adversité, et au moment où l'adversité, donc le fait rage, lorsque les combats, par exemple, font rage, ce sont eux qui sont véritables. Et ce sont eux qui craignent. Et ce sont eux qui craignent. Donc ce verset très important dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, donc, c'est un verset très important, ce verset. Alladina sadaku fid dawal iman, yani el birwa taqwa. Donc, ceux qui ont été véridiques lorsqu'ils ont, bien sûr, dit qu'ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala qui était pieux. C'est-à-dire par l'obéissance et la crainte. El bir. Nihayat al-khisar al-taqwa, al-bir, donc la bonté pieuse, c'est la fin ou le summum de la caractéristique de la crainte, donc de cette caractéristique noble qui est la crainte. Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa al-yawm al-akhir. La croyance en Allah et aux anges et aux livres et aux envoyés et aux jours derniers. Fahadi arkanul iman allati idha takhallafa wahidun minha fala imana abadan. Yudafu laha al-iman bil qadr al-warid fi ayatin kathiratin wa fi ahaditha kathira. Donc voici les piliers dont si quelqu'un délaisserait un de ses piliers, donc a perdu la foi. Il a donc perdu la foi. Il a perdu totalement la foi. Et on ajoute à ces cinq piliers-là, que l'on voit ici, le sixième pilier qui est la foi au destin, qui est mentionné dans plusieurs versets, ainsi que plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yakun mukammilan li hadil khams. Il va compléter ces cinq versets, ces cinq piliers. Khamsatul usus. Wa khamsatu yani usul dhukirat wa khamsatu usulin dhukirat fi hadil ayat. Wa khamsatu ususin. Wa khamsatu usulin dhukirat fi hadil ayat. Donc cinq bases et cinq fondements qui ont été mentionnés dans ces versets. Thumma yudifu laha al-a'mal. Et toujours dans ces versets-là, on y a ajouté, il y est ajouté les œuvres pies. Min al-infaqi fi sabilillah. Le fait de donner pour, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de donner. Donc de son argent, de ses biens, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha al-a'mal al-qalbiyah. Et parmi aussi ces œuvres qui sont retrouvées dans ces versets, les œuvres qui proviennent du cœur, comme la patience, le fait de respecter le dépôt, de respecter ses promesses. Ces versets comprennent et comportent les piliers de la foi et de l'islam. Ainsi que la croyance, le dogme. وشمت أعمال القلوب وأعمال الجوارح. Et elle comprend et comporte aussi les œuvres du cœur et celles du corps. ولا يكون المرء من المتقين إلا إذا توافرت فيه هذه الصفات. La personne ne fera pas partie des personnes pieuses que si ces caractéristiques sont en lui. ولا يكون من الصادقين في دعوة الإيمان ولا يكون من المتقين حقا إلا إذا رسخت هذه الأعمال في قلبه. Il ne fera pas partie des personnes véridiques dans ce qu'il prétend, c'est-à-dire lorsqu'il prétend la foi. Il ne fera pas partie des personnes pieuses et craignantes de la réelle façon, de la façon authentique, que si ses actes sont ancrés. Donc profondément dans son cœur. وَانْقَادَتْ لَهَا جَوَارِحُهُ. Et ses membres se sont soumis à ce qu'il y a en lui. وَامْتَلَأَ بِهَا قَلْبُهُ. Et son cœur en est empli. وَرَسَخَتْ فِي نَفْسِهِ وَقَلْبِهِ. Et elles sont raffermies, consolidées dans son fort intérieur et dans son cœur. حين إذن يكون صادقا لا تضره إن شاء الله فتنة ما دامت السماوات والأرض. Et en ce moment-là, il sera donc véridique et ne lui sera pas, ne va pas lui nuire. إن شاء الله. Donc le désordre ou la turpitude, tant qu'il y aura les cieux et la terre. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الإيمان وهذه الأعمال الصادقة المزكية للنفوس التي يعتبر أهلها أبرارا صادقين متقين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous affermisse dans cette foi et dans ses œuvres véridiques qui purifient les âmes et dont les gens qui ont donc ces comportements-là, ceux qui sont dotés de cela, sont les personnes de bonté véridiques et craignantes, celles qui sont obéissantes de la bonne façon, ainsi que véridiques et craignantes. On a sallallahu alayhi wa ta'ala أن يجعلنا وإياكم من الأبرار الصادقين في دعوة الإيمان والتوحيد ومن المتقين المصلحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Inch'Allah, donc la suite, on donnera Inch'Allah le jour pour la suite, Inch'Allah. Quand on va compléter donc le dars pour la prochaine fois. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdel.